Le matin. Trace joue plus de musique que tout le monde. 6h-9h, Good Morning Trace. Ne bouge pas, ne bouge pas, ne bouge pas. On repart avec un gros hit Trace. Jeune entrepreneur ou aspirant à l'entrepreneuriat, la plus grande rencontre des jeunes entrepreneurs vous donne rendez-vous pour la 8e année consécutive pour le Salon africain de l'entrepreneuriat SAF. Sous le haut patronage du ministre du Commerce et de l'Industrie, Dr Souleymane Dirassouba, et sous le haut parrainage de M. Alain Kouadio, PDG du groupe Kaidan. Rendez-vous ce 24 et 25 juillet 2025 au Sofitel Ivoire pour bénéficier de formations, de réseautage et d'informations autour du thème « Industrialisation des PME africaines pour une performance économique locale ». Au programme, des panels, des conférences et des formations. Participation gratuite et inscription sur www.saf.ci. Information 07 08 10 21 27. Le SAF Make Africa Great Again. Partenaire Trace Academia. Formation en ligne gratuite et illimitée. Trace FM, la descente. Trace FM, la descente. À l'heure de la descente, embouteillage, bouchon, ralentissement. Tranquille. Radio t'envoie un mix incroyable. Du lundi au vendredi de 19h à 20h, kiff, un condensé de gros hits totalement remixé. Avec le spécialiste de l'ambiance, DJ Minéral. DJ Minéral au platine. La descente, du lundi au vendredi, 19h-20h, nous on fait rien avec embouteillage. Nous on fait rien avec embouteillage. Trace FM, premier sur les hits. I fly first class, just to on that ass. She hit five, that's that cash. I might spend 3, 4, 5 on the bag. She can't hop in the lane, but she bad. Splash all week, yeah, that for gas. Good Morning Trace, 6h-9h, t'es sur la bonne fréquence, celle de Trace. Premier sur les hits. Maman Ami Koulibaly, épouse Kakou. Ibrahim Fama Diabaté. Baby. Faria belle Nubienne. Celui qui se confie à lui n'est jamais déçu. Ma douce la star. Vivons ensemble. Aïe, bon, digne roman. Passe le message à ton frère. Soyons unis. Soyons sauvés. Aïe, non. Quelqu'un qui peut te bouder pendant des jours au calme. Pourquoi tu as dit ok, au lieu de les ok mon amour. Les petites aujourd'hui aiment trop parler. Tu dis à elle, dis l'alphabet. Quand elle parle, tu peux même plus respirer. Son palabre, tu peux même pas séparer. Elle même tu la vois, elle est bien gale. Avec sa bouche, elle peut te frapper. Pourtant si tu la touches, hey. C'est mieux on les aimer. Tes plus gros sons sont forcément dans Good Morning Trace. Good Morning Trace.